service express à Liège. Georges Omeonga, écoutez Bi Active. Et Italatou, Rajungoma, Madame Bakongo Daniel, Ayaoundé, Benjamin Mandundu et Madoris, Maman Akeli, hein. La très mystique à Bruxelles. matata, mama, malafu banuiniko, ebanuiniko. Ale maloko de bundes. Batata ba mama, batata, ba mama batata, mama, malafu banuiniko, ebanuiniko. Banuini, banuini, banuini, banuini, banuiniko. Kolo. Ekwanini.